Page 17. Activité 4. Piste 9. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Hugo. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Félix.